Oui, mais Montès est brésilien. Il n'arrivera jamais à rien, fit observer Valérie. Nous sommes, dit Lisbeth, dans un temps de chemin de fer où les étrangers finissent en France par occuper de grandes positions. Nous verrons, reprit Valérie, quand Marneffe sera mort et il n'a pas longtemps à souffrir. Ces maladies qui lui reviennent, dit Lisbeth, sont comme les remords du physique. Allons, je vais chez Hortense. Eh bien, va, mon ange, répondit Valérie, et amène-moi mon artiste. En 3 ans, n'avoir pas encore gagné seulement un pouce de terrain, c'est notre honte à toutes deux. Venceslas et Henri, voilà mes deux seules passions. L'un, c'est l'amour, l'autre, c'est la fantaisie. Es-tu belle ce matin? Dit Lisbeth en venant prendre Valérie par la taille et la baisant au front. Je jouis de tous tes plaisirs, de ta fortune, de ta toilette. Je n'ai vécu que depuis le jour où nous nous sommes faites sœurs. Attends, ma tigresse, dit en riant Valérie, ton châle est de travers. Tu ne sais pas encore porter un châle, malgré mes leçons, au bout de 3 ans. Et tu veux être madame la maréchale Hulot.